L'œuf. Personnage, Émile Magis. Sa mère, sa sœur Justine et Gustave qui épousera cette sœur. Magis, à son tour, se marie avec Hortense Berthoulet. D'où irruption de ses beaux-parents, Monsieur et Madame Berthoulet, de ses belles-sœurs, Lucie et Charlotte, et enfin de Dugommier, Victor Dugommier, amant de sa femme, plus divers personnages. L'œuf est une pièce où, pour les nécessités de l'action, les différents décors, très nombreux, doivent se succéder rapidement. À cet effet, pour la création à Paris, dans la mise en scène d'André Barsac et les décors de Jacques Noël, avaient été prévus trois plateaux tournants, l'un à gauche de la scène, l'autre à droite, le troisième au fond, qui apportaient successivement les décors ou fragments de décors nécessaires. Au lever du rideau, Émile Magis, homme d'âge moyen, se trouve chez lui, seul, occupé à réparer un poste de radio. Magis vers le public. Je bricole. Le dimanche, forcément, je m'occupe. Brusquement, la radio se déchaîne, puis elle s'arrête. Magis a un geste de dépit et se remet à réparer. Magis. Ici aussi, pourtant, il ne s'agit que de trouver le système. Comme dans la vie. Mais pour la radio, le système, c'est visible, palpable. Des lampes, des fils, scientifiques. Tandis que le système de la vie... Savez-vous comment j'ai découvert, moi, le système ? À cause de cette phrase, écoutez bien. Il se réveilla frais et dispo. On ne croirait pas, hein ? Une petite phrase comme celle-là. Eh bien, il y a tout là-dedans, toute l'imposture. Allez en croire, ils se réveillent tous frais et dispo. Les gens, les journaux, la radio. Tous. Ou du moins, s'ils en parlent si souvent, c'est que ça leur arrive. Eh bien, moi, jamais je ne me suis réveillé frais et dispo. Jamais. Le monde devant moi, comme un œuf, lisse, clos, fermé. Avec quoi dedans ? Des hommes frais et dispo, sauf moi, seul, exclu, différent, le cas, l'affreux, le coupable. À la longue, je me suis inquiété. J'étais chez un médecin, un spécialiste. À droite de la scène apparaît le cabinet de consultation d'un médecin. Le médecin, vous n'êtes pas robuste, mais vous avez une santé de fer. Vous pouvez vivre 100 ans. Magis, alors, ces symptômes ? Le médecin, qu'éprouvez-vous exactement ? Magis, oh, rien de grave, mais le matin je me sens lourd, la bouche mauvaise, de la rouille, de l'embarras, les omoplates, les cuisses à l'intérieur qui me tirent. Le médecin, bah, j'ai cela aussi, ce n'est rien du tout. Magis, mais les autres alors ? Le médecin, quels autres ? Magis, revenant vers le public. Un homme capable pourtant, sérieux, un spécialiste, la Légion d'honneur. Lui non plus, il ne se réveillait pas, frais et dispo. J'allais au bureau. À gauche de la scène, un bureau de ministère et deux employés, Barbedard et Tanson. Magis. Barbedard, le matin, vous vous levez comment ? Barbedard. À 7 heures, Magis, l'heure des braves. Magis. Oui, mais comment ? Barbedard. D'un bond, une, deux, imitant le clairon. Tara, ta, ta, ta, ta, ta, ta, tara. Magis. Bon, alors vous n'avez pas de mérite ? Barbedard. Ah, pas de mérite, pardon, il y a une nuance. Question de discipline. Mais j'ai la jambe qui pèse, la droite, souvenir de la guerre, les nuits à la dure. Tanson. Tiens, c'est votre jambe. Moi, ce serait plutôt la gorge. Tous les matins, j'ai mal à la gorge. Contracté, je dirais. Puis je prends mon café, pfff, parti. C'est nerveux à ce qui paraît. Magis vers le public. Voilà, le médecin, Barbedard, Tanson, moi, cela en faisait 4 déjà qui ne se réveillaient pas frais et dispo. Les 4 premiers à qui je le demandais. Mais la phrase alors, mais le système, mais l'œuf. C'est comme ma fleur. À 19 ans, j'avais encore ma fleur. Ça devenait bête. À l'atelier, les camarades. Un jour, je me dis, bon, ça va, peut plus durer. Je travaillais chez Dufiquet à ce moment-là, rue Fontaine. Pour rentrer chez moi, rue du Borrego, j'avais à faire le boulevard de Clichy, le boulevard de Rochechouart. Un quartier en or, non ? Une fleur qui traîne dans ces coins-là, on se dit qu'elle ne devrait pas traîner longtemps. Je ne parle pas des professionnels, bien entendu. D'abord, c'était pas dans mes moyens, puis je voulais une vraie aventure, à mon âge. J'écoutais les camarades. Hier soir, mon vieux, je t'avise une poupée, je lui dis, et alors ? Ok, elle me dit. Ça avait l'air facile, enfantin. Alors un jour, square d'Anvers, apparaît le square d'Anvers. Une jeune et jolie femme est assise sur un banc. Magis. Je me dis, je m'approche. Il s'assied, lorgne la femme. La femme. Pardon, monsieur, vous pourriez me dire l'heure ? Magis avec un geste à l'intention du public. Le coup classique, non ? À la femme. 6h30, madame. La femme. Merci. Magis. Je retarde peut-être de 2 ou 3 minutes. La femme. Oh, ce n'est rien, j'ai le temps. Magis. Nous pourrions aller prendre quelque chose, ensemble ? La femme étonnée. Ensemble ? Pourquoi faire ? Magis se levant furieux. Sic, tel que ! Une femme sur un banc, dans un square, c'est clair pourtant, évident, ça pense à l'amour, et qui demande l'heure par-dessus le marché. Je n'aurais rien tenté, on serait foutu de moi, non ? Eh bien, pas du tout. Celle-là, elle ne pensait pas à l'amour. Mais le système, il y a donc des femmes qui demandent vraiment l'heure ? Une autre. Une deuxième femme est venue se poster devant l'arrêt de l'autobus et piaffe d'impatience. Magis s'approche. Magis. Si on allait quelque part ? La femme. Qu'est-ce que vous dites ? Magis. Je dis, si on allait quelque part ! La femme lui caressant le menton. Voyez-vous ça ? Il a l'air honnête pourtant, ce petit. Par ce beau temps, allez plutôt faire une promenade. Ça vous fatiguera autant et ça vous donnera des couleurs. Magis vers le public. Mes couleurs ! Je m'en foutais, moi, de mes couleurs. Et mon âme, et pochetée. Et l'empire de la chair. Et ce désir qui, voyez système, nous taraude. Elle, il ne la taraudait pas, je vous jure. Une autre. Métro Châtelet. Apparaît la station de métro Châtelet. Une troisième femme. Magis. Si on allait quelque part. La femme effrayée. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Magis. Si on allait quelque part. La femme furieuse. Comment ? Quoi ? À mon âge ? Une mère de famille ? Vous me prenez pour qui ? Pour une putain ? Magis. Mais je ne parlais pas de payer. La femme le poursuivant en brandissant son parapluie. Sale individu, malpropre, dans le métro. On aura tout vu. Elle sort. Magis. Le système. À en croire le système, les femmes, ça les flatte, les avances. Même quand elles ne sont pas d'accord. Vous avez vu comme elle était flattée. Une autre. Entre une jeune fille. Magis la prend par la main. Ils exécutent une sorte de ballet. Magis. Vendeuse. Aux galeries Lafayette. Quincaillerie. Ce n'était pas le même genre. Il fallait y aller plus doucement. J'y allais doucement. Un rendez-vous. 2, 3, la romance. On se promenait, la main dans la main. Donne-moi des petites menottes. Un jour, je me risque, à la jeune fille. Il y a là un hôtel, la jeune fille. Un hôtel ? Magis. Si on y allait, pour un moment, la jeune fille. Oh, vous êtes un homme comme ça ? Magis. Ben, comment voudrez-vous que je sois ? La jeune fille. Il y a des sales femmes qui vous froncent là pour 500 francs. Elle sort. Magis. Merci pour le renseignement, mais le système... Bon, je me serai attaqué à Michel Morgan, je ne dis pas. Avec Michel Morgan, la possibilité de l'échec reste prévue, le système l'accepte. Mais vous avez vu, je m'en prenais aussi aux moches, aux ternes, aux sans-espoir. Alors, comment faisaient les autres ? Tant que je n'ai pas compris le système, la question atroce pour moi était, comment font les autres ? Ok, elle me dit, pas un pli, le ciné, la radio, le music-hall... Puis voilà qu'un soir, sur le boulevard, une petite femme me dit « Viens donc par ici, je te ferai le coup du léopard. » Partout, inévitable, à croire que le ciel n'était plus le ciel, mais un immense derrière, posé sur le monde et qui descend lentement, chacun trouvant à se caser, sauf moi, chacun avec sa clé, sauf moi. Savez-vous combien de temps ça m'a pris, cette affaire-là, l'affaire de ma fleur ? 3 ans, monsieur, dame. 3 ans, parfaitement. Et vous ? Invraisemblable ? Pourquoi ? Pourquoi 3 ans est-ce plus invraisemblable que 3 minutes ? Une fois qu'on réfléchit, qu'on va au fond des choses, le calcul des probabilités, les trucs, il suffit de raisonner. Seulement voilà, on ne raisonne pas et on se met à mentir. Le matin, chez Dufiquet, hey, « Hé, mes petits vieux, il ne s'agit pas de trop compter sur Magis Émile. Hier soir, je me suis drôlement donné. » Jusqu'au jour où je me suis dit, « Mais si je mens, pourquoi les autres, ils ne mentiraient pas aussi ? Ok, elle me dit, c'était peut-être pas vrai. Voilà la trouvaille du système. Il force à mentir et chaque mensonge le fortifie. Et je mentais, moi aussi, à mon tour. Par vanité ? C'était par détresse, pour les rejoindre. Parce que si je n'avais pas menti, j'aurais été seul. Par modestie même. Oui, là, je crois que je le tiens. Le système, c'est notre modestie. Une femme, un banc de square, un homme, total prévu, folles ivresses. Le total me manquant, c'était moi que j'accusais. Au lieu d'en accuser le principe, c'est ça le système. Vous faire croire que le principe, ça existe, et que si les choses ne vont pas suivant le principe, si vous ne vous réveillez pas frais et dispos, si vous avez des difficultés à la caser votre fleur, c'est vous le coupable, vous le malade, vous l'exceptionnel. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de principe. Les choses se mettent ou ne se mettent pas, au hasard. Tout le reste, foutaise. Le vol, tenez, hein ? On croirait que le vol, ça mène à l'échafaud. C'est l'idée qu'on se fait. Or, moi, un jour, j'ai volé. Une fois, une seule fois. Comme tout le monde, quoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Apparaît un magasin. Mademoiselle Duvent, vieille fille, est devant la caisse enregistreuse. Un client est entré, Magis lui tend un paquet. Magis. Ça fera 7 000 francs tout rond. Le client. En voici 10. Monsieur Dufiquet entrant par la droite, un billet à la main. Mademoiselle Duvent, vous n'auriez pas la monnaie de 1 000 francs ? Mademoiselle Duvent. Voici, monsieur Dufiquet, nous disons 1 000 francs. Très agitée, elle dépose le billet du client sur la table, va jusqu'à Dufiquet, lui remet la monnaie. Magis en profite pour déposer un paquet sur le billet du client. Mademoiselle Duvent revenue à la caisse et rendant la monnaie au client. 8, 9, 10, 10 000. Merci, monsieur. Le client. Monsieur, dame, il sort. Mademoiselle Duvent le suit des yeux. Magis en profite pour empocher le billet. Magis vers le public. J'empoche le billet. Du temps passe. 6 h moins le quart. Mademoiselle Duvent se met à faire sa caisse. Mademoiselle Duvent. Émile ! Magis. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Duvent ? Mademoiselle Duvent. Il me manque 10 000 francs. Magis. Non, c'est pas possible. Cherchez encore. Mademoiselle Duvent. Je cherche. Magis vers le public. 10 000 ? J'en étais éberlué, et les 3 000 qu'elle avait rendus, ça devait faire 13 000, non ? À Mademoiselle Duvent. Alors, Mademoiselle Duvent, je ne trouve rien. Émile, comment vais-je dire ça à Monsieur Dufiquet ? Depuis 24 ans que je suis dans la maison, jamais ça ne m'est arrivé, il va être furieux. Magis, mais non, pensez, pour 10 000 francs. Au besoin, nous ferons une collecte, tenez, dans les ateliers. Mademoiselle Duvent. Oh, Émile ! Magis, voulez-vous mon idée, Mademoiselle Duvent ? Vous vous rappelez le client, il y a une heure, qui a payé avec 10 000 francs ? Je ne me souviens pas de les avoir vus, moi, ces 10 000 francs. Mademoiselle Duvent. Mais c'est vrai, ça ! Maintenant que vous le dites, je ne m'en souviens pas non plus. Magis. Il avait l'air d'un faucheton, ce gars-là. Mademoiselle Duvent. Oui, ça doit être lui, mais je ne l'ai jamais vu. Comment le retrouver ? Magis. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il a gardé son billet. Bon, mais il a aussi empoché les 3 000 que vous lui avez rendus. Le trou, il devrait être de 13 000, alors. Mademoiselle Duvent. Mais non, voyons, s'il a gardé ses 10 000 francs, c'est 10 000 francs qu'il a volés. Magis. Et les 3 000, où vous les mettez ? Mademoiselle Duvent. D'ailleurs, c'est 10 000 qui me manquent. Magis. Vous êtes sûr ? Mademoiselle Duvent. J'ai refait 10 fois mes additions. Magis. Ah, mais c'est mystère et boule de gomme, cette affaire-là, Mademoiselle Duvent. Faut tirer ça au clair. Attendez voir. Au public. Et c'était comme si j'avais volé 2 fois. Une sensation, je vous jure. Penché sur la table, il déchire des bouts de papier d'emballage, trace des chiffres dessus. Voilà, le billet de 10 000, les 3 billets de 1 000. Je suis le client. Faites votre compte d'abord. Qu'est-ce que vous avez ? Mademoiselle Duvent. 56 000. Magis. Vous ajoutez ces 3 billets. 59. J'achète pour 7 000. Vous notez ? Mademoiselle Duvent. Je note. Je devrais avoir 66 000. Magis. Bien. Je garde les 10 000. Vous m'en rendez 3. Qu'est-ce que vous avez maintenant ? Mademoiselle Duvent. Eh bien, 56. Il m'en manque 10. Magis. Mais c'est pas croyable, ça ! J'en ai 13 dans ma poche. C'est pas juste. Même les chiffres à l'heure. Voyons. 10 d'un côté. Mademoiselle Duvent. Émile, pourquoi vous intéressez-vous tant à moi ? Magis. C'est tout naturel, Mademoiselle Duvent. Cet argent qui fout le camp. Mademoiselle Duvent. Je vous vois tout rouge, tout agité. Magis. Mademoiselle Duvent. À cause de moi, prenant tout cela tellement à cœur. Oh, Émile, ce n'est pas possible. Depuis le temps que vous êtes là à mes côtés, moi qui ne me doutais de rien. Magis. Oh, Mademoiselle Duvent. Mais c'est une folie, Émile. Une douce folie peut-être, mais une folie. À mon âge. Je voyais bien que vous me regardiez souvent. Non, non, je rêve. Ce que c'est de vivre toute seule, on finit par ne plus penser qu'à soi. Il est 6 heures passées. Vous avez une petite amie, certainement, qui vous attend. Magis. Oh, ben, j'ai pas de petite amie, mademoiselle Duvent. Émile! Magis vers le public. Et voilà les choses. Voilà les choses dont on voudrait vous faire croire qu'elles ont un sens, une logique. Je veux les 10 000 francs. Résultat, j'ai fini par coucher avec mademoiselle Duvent. Avec mademoiselle Duvent qui avait... Qui avait 32 ans de plus que moi. 32 ans. Ah. Mademoiselle Duvent qui a reculé jusqu'à la porte. Émile. Magis lui faisant un petit geste de la main. Mademoiselle Duvent. Mademoiselle Duvent sort. Magis cabriolant. C'est moi que je suis, la fleur de volupté. Se retournant, il se trouve nez à nez avec Monsieur Dufiquet. Monsieur Dufiquet. Dufiquet. Ah, Magis, je viens d'apprendre une chose. Une chose. Les bras m'en sont tombés. Que vous étiez l'amant de Mademoiselle Duvent. Oh, je sais, votre vie privée, ça ne me regarde pas. D'accord, 100% d'accord. Mais enfin, Magis, à votre âge, Mademoiselle Duvent qui a... Et vous avez pu coucher, en somme, je m'excuse du terme, mais quoi? Eh bien, ça me fait peur, Magis. Ça me fait peur. Vous resteriez là, et bien après ça, je me demanderai toujours si vous n'allez pas m'étrangler. Vous passerez à la caisse. Il va pour sortir, se retourne encore. Enfin, Magis. Magis vers le public. Tiens, je lui faisais peur. Pourquoi? Ça aurait été sa femme, il n'aurait pas eu peur. Ou une millionnaire. C'est bien le monde, ça. Le vin babil du monde. Mais en attendant, je me retrouvais chômeur. Un autre drame, ça. L'homme sans femme, je ne dis pas la solitude, le vague à l'âme. Mais une femme dans votre vie, au fond, ça change quoi? La fioriture. Tandis qu'un directeur. Un autre drame, je vous jure. Épais, gluant. Sans emploi, on est comme une bête. On est néant, virgule, pas même, ordure, vieille chaussette derrière un vieux lit. Ma mère, ma sœur, me le faisait assez sentir. Sur la dernière phrase sont entrées par le fond la mère de Magis et Justine, sa sœur. La mère tient une casserole, Justine se met des épingles à cheveux. Justine. Tiens, ce soir j'irai bien au ciné. Magis. J'ai vu les photos, il y a Gary Cooper. Il n'a pas tant de talent, ce gars-là. Justine. Oh, ça va. Tâche seulement de gagner la moitié de ce qu'il gagne. La mère. J'ai reçu une carte postale d'Alphonse. Magis. Ah, l'oncle Alphonse, toujours aussi feignant. Justine. Tu peux causer, toi. À 22 ans, même pas fichu de trouver une situation. La mère. Mais qu'est-ce que tu lui as donc fait à Monsieur Dufiquet? Tu lui as mal répondu, je suis sûr, avec ton caractère. Magis vers le public. Le système. Dans mon genre, je serais plutôt un mou, non? Mais pour une mère, on est toujours un gangster, un brutal, un assoiffé. La mère. Je vais aller lui parler, moi, Monsieur Dufiquet. Magis. C'est inutile, maman. La mère. Pourquoi? Je suis ta mère, après tout. Moi qui te croyais sérieux. Tu as une relation, tout ce qu'il y a de comme il faut, pourtant. Tu as vu Justine? Mademoiselle Duvent lui a encore tricoté 3 paires de chaussettes. Justine. Elle peut bien, elle a un pied dans la tombe. Elle ferait mieux de te trouver un emploi. Et Gustave, tu crois que ça lui fait plaisir d'avoir un beau-frère chômeur, lui qui est si capable, si bien noté? Ça peut faire rater mon mariage. Magis. Bah, tu n'es pas encore marié, ma vieille. Justine. Jaloux, sale jaloux. Magis vers le public. Une chance qu'elle soit morte jeune, ma sœur. Avec ses dispositions, elle aurait fini épileptique. On sonne. Justine. Oh, c'est Gustave. Magis vers le public. Le fiancé. Employé à la BNCI. Un brave garçon, cordial. Entre Gustave. C'est le brave garçon, important et jovial. Gustave. Bonjour, maman. Ça sent bon, votre fricheté. Alors, Émile, ça va comme tu veux? Magis. Eh ben, c'est selon. Gustave. Dans 2 minutes, ça ira mieux. Il se promène de long en large en se frottant les mains et enfin, triomphant. Émile, je t'ai trouvé un emploi. Magis. Non. Justine, ce n'est pas vrai. La mère laissant tomber sa casserole. Jésus, mon veau. Gustave. Parfaitement. Chez Rivet, papier peint. J'ai là un ami, Lepreux, il s'appelle, comptable. Je lui avais parlé de toi, ce matin il m'a signalé une vacance, j'ai sauté dessus, comme tu peux penser. In the pocket, on t'attend demain. la mer. Oh, monsieur Gustave, comme c'est beau. Remercie donc monsieur Gustave, Émile. Gustave, ah, ça n'a pas été facile. J'ai dû batailler, mais j'ai tenu bon. Justine, oh, Gustave. Justine est près de Gustave et le regarde avec fierté. La mère sort. Gustave, mais tu me feras honneur, hein, Émile. Tu sais, je ne donne pas ma recommandation pour n'importe qui. Et c'est une responsabilité. Justine, j'y veillerai, sois tranquille. La mère revient en tenant une bouteille et un plateau. La mère, en l'honneur de la bonne nouvelle. Gustave, oh oh. Ils boivent. Chut, c'est du fameux maman. Vers Magis, tâche de te faire renvoyer rapidement, que je te trouve un nouvel emploi et qu'on sorte encore la bouteille. La mère, monsieur Gustave. Gustave, c'était pour rire, maman. Une chance que j'étais là, hein, Émile, sans moi. Magis, je pense bien. Gustave à Justine. Alors, ma grosse, on se tape le cinoche ce soir? Justine. Oh, si tu veux, Gustave, c'est un film de Gary Cooper. Magis. Moi, il me plaît pas tant, ce gars-là. Gustave. Tu trouves? Il s'est assis. Viens là, Justine. Moi, il me plaît bien, Gary Cooper. C'est un énergique. J'aime ça, l'énergique. Hein? Quand il descend les types, là. Puis honnête, hein? Toujours honnête. Père Magis. Une maison sérieuse, tu sais, Rivet. Il n'engage pas le premier venu. Magis. Ça. Il revient vers le devant de la scène, tandis que derrière lui, le groupe se défait. Gustave s'en va, la mère retourne à sa casserole, Justine se coiffe. Magis. Bon, j'ai donc été engagé chez Rivet. Une bonne maison, rue Balu. Un dimanche, je vais faire un tour. Quand je reviens, qu'est-ce que je trouve? La mère a disposé deux tasses de café sur la table. Les deux femmes se sont assises, l'air désespéré. Magis devant ce spectacle. En larmes. Je veux me tailler. Pardon. Justine. Émile. Magis. Oui. Justine. Viens là, prends une chaise. Magis. Alors. Justine. Sais-tu ce qui me fait? Qui? Gustave. Gustave. Il me laisse tomber. Magis. Gustave. Ça alors. Justine. Cet après-midi, on devait aller au ciné. Voilà Tipa qui m'emmène dans un square, le square vaillant, même pas dans un café, le malhonnête. Et il m'explique que voilà, pas d'histoire, il vaut mieux avant qu'après, qu'il s'est trompé, qu'il aime une jeune fille, qu'il veut l'épouser, que les sentiments ça se commande pas, qu'il regrette mille fois, que je devais comprendre. Là, je commence à pépier, tu penses? Je le traite de tous les noms, sais-tu ce qu'il me fait? Magis, non, ben je vais le savoir. Justine, il s'est tiré, comme ça, sans crier gare. Je parlais, il se lève, je croyais que c'était pour me répondre, je t'en fous, il était déjà parti. La mère, comme un lavement. Justine, à Magis. Et ça te fait rire, mon malheur. Magis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu en trouveras un autre. Tu es un sans-cœur, Émile. Magis, mais si ce garçon, la mère et Justine ensemble. Pas du tout, il a promis, il doit tenir. Justine, il a promis, oui ou non? La mère, c'est un voyou. Magis, mais justement, pourquoi tiens-tu à épouser un voyou? Justine, quel voyou? Magis, enfin, quel bonheur peux-tu attendre d'un homme qui... Justine, je me fous du bonheur, je veux qu'il m'épouse. Magis, bon. Il se lève. Justine le repousse sur sa chaise. Justine. Es-tu un homme, oui ou non? Bédame. Justine. Tu dois faire respecter ta sœur. Ben, il ne t'a pas outragé, non? La mère. Non? Ben, qu'est-ce qu'il te faut, alors? Magis. Je n'appelle pas ça un outrage. La mère. Ah, si ton père était encore là! Magis. Il aurait fait quoi, mon père? La mère. Il l'aurait ramené par la peau du dos. Justine. C'est toi l'homme de la famille. Tu iras le trouver. Il a promis, tu dois exiger qu'il tienne sa promesse. Magis. Et s'il ne veut pas? Justine. T'as qu'à le forcer. Magis. Comment? Justine. Et ça prétend être un homme. Magis. Oh, ça devient bête, ces allusions. Je peux pas me déculoter, pourtant. Justine. Malotru. Magis. Qui? Moi? Et s'il te trompe après? Justine. C'est mon affaire. Magis. Juste demain, tu m'entends? Dès demain, tu iras l'attendre à la sortie de son bureau. Magis. Bon, il veut se lever. Justine le repousse encore sur sa chaise. Justine. Promis? Promis. Puis, frappé par une idée. Mais il sort de son bureau à 6 heures, boulevard des Italiens. Je sors du mien à 6 heures, rue Balu. Comment que je ferai pour le retrouver? Justine. Tu demanderas à sortir un peu plus tôt. Magis vers le public. Réponse à tout, je vous dis. Les deux femmes sortent. Apparaît un décor de rue et la terrasse d'un café. Arrive Gustave. Magis. Mais qui voilà? Gustave. Gustave. Tiens, bonjour Émile, ça va toujours? Et cher Yvet? Magis, ça va, ça va. Un bon boulot, je pense. Mais oui. Bon, eh bien, tu m'excuseras. Je t'aurais bien amené prendre quelque chose, mais je suis pressé. Magis, c'est que j'aurais voulu te parler. Gustave. Ah, c'est Justine qui t'envoie. Oui. Ah ah. C'est qu'on m'attend. Viens avec moi, tiens, tu vas tout comprendre. Il prend Magis par le bras et l'entraîne vers le café où a surgi le garçon. Gustave au garçon. Jules, salut, ça va? Le garçon. Monsieur, dame. Gustave s'assied en se frottant les mains. Magis s'assied aussi. Gustave. Écoute. Mais par la gauche, entre Georgette, jeune fille ravissante. Gustave, en la voyant, s'est levé et la regarde avec une expression extasiée. Gustave. Ma chérie, c'est un de mes amis, Émile. Mademoiselle Blossard, Georgette. Jules, Jules, vivement! Qu'est-ce que tu prends, ma chérie? Gustave et Georgette se sont assis. Gustave la couvre des yeux, lui caresse les mains. Magis vers le public. Tu vas comprendre, il m'avait dit, si je comprenais. Je pensais à Justine, je regardais cette Georgette, je comprenais. Je comprenais tout. Des choses brusquement m'apparaissaient. Ça existait, des filles comme ça? Pures comme une carafe? Non, mais regardez-le, ce garçon qui avait l'air d'un veau. Gustave à Georgette. Tu as eu beaucoup de travail aujourd'hui, ma chérie. Tu as l'air un peu fatiguée, non? C'est une idée que je me fais? Magis. Avec sa bonne petite trompe, pleine de sollicitude. Il va se rasseoir près d'eux. Gustave à Magis. Elle habite Courbevoie, tu comprends? Magis. Ah, c'est beau, ça. Gustave. Elle travaille aux trois quartiers, à la publicité. Magis. C'est magnifique. Gustave se levant. Eh bien, mon cher Émile, j'étais très content de te voir. Magis. Mais je devais te parler. Gustave. C'est que je reconduis Georgette jusqu'à Courbevoie. Georgette. Ça ne fait rien si ton ami doit te parler. J'ai encore une course à faire. Je reviens te chercher. Dans 10 minutes. Ça suffira? Magis. Oh, mademoiselle!